فإن شاء الله سنبدأ من هذا اليوم من صبيحة هذا اليوم سلسلة من الدروس النافعة بإذن الله عز وجل وسوف نقرأ بعد كل فريضة مما تيسر الله لنا القراءة فيها Donc Inch'Allah, on va commencer à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Une petite série de cours après chaque prière obligatoire. Inch'Allah, c'est des cours rappels et qui ne dureront pas longtemps de manière à ce que on n'occupe pas notre temps par autre chose que le Coran et la lecture du Coran. Et aussi afin de toujours rester dans l'apprentissage de la science. L'apprentissage de la science qui est la meilleure œuvre surrogatoire كما ذكر غير واحد من السلف comme l'a évoqué pas mal comme ont évoqué cela pas mal de savants كالإمام أحمد لما قال طلب العلم لا يعدله شيء فنحن ما نحب الانقطاع عن طلب العلم فإذا استطعنا أن نجمع بين مراجعة القرآن وحفظه وتلاوته وتدبره وكذلك بشيء من العلم فنعم ما هي نعم وإن شاء الله بعد صلاة الفجر سنقرأ في رسالة صغيرة كبيرة من حيث المنفعة وهي رسالة أعطانا إياها مؤلفها لما كنا في مكة donc inshallah après chaque prière du Fajr on aura une brève lecture dans un petit fascicule que nous a donné son auteur lorsque nous étions à Mecca le mois dernier. Et c'est un petit ouvrage qui s'intitule Salatul Fajr, qui s'intitule La prière du Fajr, la prière obligatoire du Fajr. Ahamiyatuha wa fada'iluha wa fawa'idu shuhudiha wa shay'un min ahkamiha. Donc on va voir à travers ce livre l'importance de la salat du Fajr avec certains de ses mérites et certaines leçons à tirer du fait de participer à la prière en groupe, la prière du Fajr, et on verra aussi certaines de ses règles. Donc comme j'ai dit, c'est un livre que l'auteur Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmed ibn Lamh nous a offert lorsqu'on l'a visité à Mecca. Et il fait partie des mashaykh Diyar al-Yamaniya. Il fait partie des savants yéménites chez lesquels nous avons étudié. Naam. يقول حفظه الله في مقدمته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه تذكرة، والتذكرة تنفع المؤمنين بشأن فضل صلاة الفجر وأدائها في وقتها وشهود جماعتها في بيوت الله مع المسلمين. Donc l'auteur il dit que ce fascicule ou ce livre est un rappel. Et il dit que le rappel profite certainement aux croyants. Et c'est un rappel qui concerne le mérite de la prière du Fajr et le fait de l'accomplir en son heure et d'assister à celle-ci dans la prière en groupe, dans les maisons d'Allah. C'est quoi les maisons d'Allah, Ryan ? Fil masajid, ma'a al-muslimin. Na'am. C'est-à-dire la prière en groupe à la mosquée. Ma'a ba'di masail al-muhimma, iqtasartu fiha 'ala al-adilla illa ma la budda minh للتوضيح وأصلها خطبة الجمعة. Donc ensuite il dit qu'il a évoqué aussi dans ce livre certains points très importants et il s'est contenté d'évoquer les preuves. Il s'est contenté d'évoquer les preuves du Coran et de la Sunna. Les preuves qui consistent à évoquer le mérite de cette prière ainsi que du fait de participer à cette prière dans les mosquées, en groupe dans les mosquées. Na'am. Et aussi, il nous informe que ce livre, en fait, à la base, c'était un khutbah du Jumu'ah. C'était un sermon du Jumu'ah. وَهَذَا كَثِيرٌ مَا يَحْصُلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُدَوِّنْ كَلَامَهُمْ فِي الْخُطَبْ وَفِي الْمُحَاضَرَاتِ حَتَّى تعم النفع. نعم. Et ça c'est une chose qui arrive souvent chez les gens de science, c'est-à-dire que leurs élèves ils veillent à regrouper leurs paroles dans des livres. Ça veut dire que même si la parole elle a été dite dans un sermon ou dans une conférence, eh ben, leurs élèves, eux, ils regroupent ces paroles-là et ils les rassemblent dans un livre. Comme ça a été le cas pour ce sermon du Jumu'ah qui a été regroupé dans ce livre. Qala raghibtu fi tab'i asliha liya'umma naf'a ou liya'umma naf'aha nushan lil muslimin wa tanbihan lil ghafilin wa iqadan l'île Mouraqidine. Et l'auteur il dit j'ai vraiment voulu que ce livre soit publié afin que ce soit de ma part un conseil pour les musulmans ainsi que un avertissement pour les insouciants et une sorte de réveil pour celui qui n'est pas éveillé. وقد تقرر عند أهل العلم أن من أفضل الأعمال عند الله تعالى لمن أراد به وجه الله تنبيه الغافلين ونصح المسلمين. Et certes, les savants sont quasi unanimes sur le fait que fait partie des meilleures des œuvres, le fait d'avertir des insouciants et de conseiller les musulmans. فأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفع بهذه النصيحة كاتبها وقارئها وناشرها والحمد لله رب العالمين. Et ensuite il demande à Allah Azza wa Jal que cet ouvrage soit uniquement pour son noble visage et qu'il soit profitable pour celui qui l'a écrit, ainsi que pour celui qui le lit, et pour celui qui le propage. ثم قال منزلة الصلوات المفروضة. Ensuite, on rentre directement dans le vif du sujet avec le premier chapitre où l'auteur dit la place, quelle est la place de la prière obligatoire? Quelle est la place de la prière obligatoire? قال للصلاة في سائر الشرائع الأنبياء منزلة عظيمة ومرتبة جليلة. Et certes, la prière dans chacune des législations des prophètes, que ce soit le prophète Mohammed ou les prophètes qui sont venus avant lui, elle a toujours eu une place très importante. Elle a toujours eu une place très importante et un haut degré. فَإِنَّ عَلَيْهَا مَدَارُ فَلَاحِ الْعَبْدِ وَخُسْرَانِهِ. Car tout d'abord, elle est le lien, la prière est le lien avec la réussite du serviteur ou sa perte, ou sa perdition. قال تعالى قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Mu'minun, certes, on réussit les croyants. Certes, on réussit les croyants. Et ensuite, il dit, ceux qui dans leur prière étaient pleins de crainte. Ceux qui dans leur prière étaient pleins de crainte. Donc ça nous montre clairement que ceux qui accomplissent la prière comme il se doit, en respectant leur temps, en respectant les obligations, en respectant les piliers de la prière, ainsi que ses conditions, ceux-là vivront ou connaîtront la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Certes, on réussit les croyants. وَكَذَلِكْ قَالَ وَالصَّلَاتُ أَعْظَمُ أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ الْعَمَلِيَّةِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ. Et aussi la prière, c'est le plus grand des piliers. Le plus grand des piliers, yani en ce qui concerne la gestuelle. Le plus grand des piliers en ce qui concerne la gestuelle. Les plus grands des piliers de l'islam. Après la shahada. Après l'attestation, ou les deux attestations de foi, shahadatayn. Fafi sahihayni. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Et ceci conformément au hadith qu'a rapporté عبد الله بن عمر dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari et Muslim, où le prophète عليه الصلاة والسلام dit: certes, l'islam est fondé sur cinq choses. Sur l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que Mohammed est son messager, et que Mada est l'accomplissement de la prière, ainsi que l'acquittement de l'aumône, ainsi que le hajj et le jeûne du mois de Ramadan. Naam. ثم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على إقامتها والمحافظة عليها. Et aussi parmi les choses qui nous montrent l'importance de la prière, le fait que le prophète عليه الصلاة والسلام il prenait le serment d'allégeance de ses compagnons en leur conditionnant le fait de pratiquer la prière, le fait de pratiquer la prière et de protéger la prière. كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم. Ceci conformément à la parole de Jarir ibn Abdillah, le noble compagnon, qui dit: j'ai prêté serment d'allégeance au prophète عليه الصلاة والسلام sur le fait d'accomplir la prière, sur le fait d'accomplir la prière et de m'acquitter de l'aumône et de donner le conseil à chaque musulman. نعم. وكذلك هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. Et aussi, parmi les choses qui nous montrent l'importance de la prière obligatoire, le fait que c'est la première des choses, sur lesquelles sera jugé le serviteur يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. La première des choses sur laquelle le serviteur va rendre des comptes يوم القيامة n'est autre que sa prière. نعم. وإن شاء الله غدا نواصل. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. وإنشاءالله غدا on continuera notre lecture dans cette très bonne رسالة كل يوم هكذا 10 minutes 15 minutes حتى يعم النفع والذي يريد أن يرجع إلى القرآن فليرجع إليه فنحن في شهر القرآن وجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك